Piste 18. Exercice 7. 1. Le français, les français. 2. Les cafés, le café. 3. Les restaurants, le restaurant. 4. Le concert, les concerts.